émergent des vagues de la mer. En fameux poisson, en sirène, baptisé du prénom d'Irène, petite sirène. De loin j'imagine et devine les formes des nageoires qui se transforment en seins, en bras, en jambes. Pata rencontrant le page en jambes, petite sirène. Des amis qui t'accompagnent replonge timide dans l'eau calme. Je te prends comme compagne. Heureuse tu fonds en larmes, petite sirène. Si j'ai passé pas mal de crises et quelques peines du monde à vivre, à survivre le peu de vivre, je retrouve la joie de vivre, petite sirène. Grâce à toi, douce vois-tu. Mais pourquoi te caches-tu, petit bout de femme adolescent, quand de tes sous-vêtements, petite sirène, toute gênée, tu te découvres. Par caresse, je cherche et trouve ton corps tout blanc et tes seins. Plus gros que les miens, petite sirène. Tout est très vague, vaguement clair. Tu immerges des vagues de la mer. Tu me fais renaître et je sens naître en mon être. Renaître et je sens être en mon être, de tout mon être, que je t'aime.